Bonjour, moi c'est Camille, j'ai 38 ans. J'ai 15 ans de rue. 15 ans de rue, c'est compliqué, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est l'emprisonnement, c'est plein de choses, mais c'est surtout savoir comment dormir. Au début, on dort pas, on marche beaucoup. On n'ose pas dormir, on a peur, surtout, dans les premiers temps. Et puis, puis après, on essaye de dormir, on dort pas vraiment. En fait, c'est comme quand vous avez un enfant. Quand vous avez un enfant, vous dormez qu'à moitié, parce qu'il y a toujours une partie du cerveau qui est en alerte. On sait jamais ce qui peut se passer avec un enfant. Et ben la rue, c'est pareil. Votre cerveau, il est toujours en moitié en alerte. Au début, vous dormez là où vous pouvez. Après, vous faites des connaissances, on vous trouve un endroit. Mais concrètement, vous dormez jamais. Enfin, si vous voulez dormir, vous prenez une bonne dose d'alcool, un peu de défonce, un couteau, une matraque, un poing américain. Le summum, c'est une entrée chauffée et un parking chauffé. Mais concrètement, vous dormez jamais. Complètement. Vous dormez en alerte. Ok, merci beaucoup. Alors, c'était un témoignage très touchant de Camille. Pour le premier épisode de ce podcast « La sieste », alors, qu'est-ce que c'est ce podcast? C'est le podcast des sleep activistes, les activistes du sommeil. C'est un nouveau média qui s'est lancé sur le sommeil et qui veut parler du sommeil, de notre repos, de façon différente. Souvent, quand on parle du sommeil, on en parle comme d'un moment biologique. C'est un peu comme l'alimentation. C'est comme si on réduisait l'alimentation à notre estomac, au fait de manger. Mais l'alimentation, c'est plus que ça, c'est du plaisir. C'est des échanges avec des amis, par exemple au moment de la dinde de Noël. Eh bien, le sommeil, c'est pareil. C'est pas qu'un sujet biologique, c'est un sujet politique. C'est une question de société, une question de civilisation. On ne dort pas aujourd'hui de la même façon qu'il y a deux siècles. On ne dort pas de la même façon tout au long de sa vie. Par exemple, Camille venait de parler des enfants. Mais aussi, on ne dort pas de la même façon quand on doit travailler de nuit. Et puis, notre sommeil, il évolue. Par exemple, sous l'effet des écrans ou sous les effets des séries qu'on peut regarder tard le soir, notre sommeil se réduit. Le sommeil est une matière vivante. Et le témoignage de Camille le montre, dans des circonstances particulières de la vie, qui ne sont pas des conditions qui sont celles de la majorité des gens, mais qui sont celles de la condition de beaucoup de personnes, le sommeil devient un moment problématique, sensible, potentiellement dangereux. Pour en parler donc Camille, mais également Thibaut Bezosi, sociologue à l'Université de Lorraine, qui a produit plusieurs travaux sur les questions des SDF, de la marginalité, de l'errance. Il y a plusieurs mots sur le sujet, chacun a une signification évidemment. Thibaut, quand tu as entendu le témoignage de Camille, qu'est-ce que tu en as pensé? Bonjour Nicolas, d'abord merci pour ton invitation, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec Camille, on se connaît tous les deux depuis, un sacré moment. Oui, au moins près d'une dizaine d'années quand j'ai commencé justement à travailler sur la question de la rue, des SDF si on veut employer un mot de sens commun, mais et plus précisément du sans-abrisme, c'est-à-dire c'est quoi l'expérience au quotidien de vivre sans solution de logement et même là en l'occurrence sans solution d'hébergement. À dormir, puisqu'on y vient, dans des lieux non prévus pour l'habitation. Alors, Camille nous a donné deux, trois exemples, je suis sûr qu'elle en a d'autres. Mon regard, là, aujourd'hui, c'est pas facile de parler aux côtés de Camille, qui a son expérience et qui parle précisément de vécu. Là où le sociologue apporte plutôt un regard analytique sur des choses. Donc, on va essayer de se compléter dans nos différentes prises de parole. Moi, j'aurais envie de rebondir tout de suite sur les pistes, finalement, que tu ouvres avec ton témoignage introductif, mais tu as certainement plein d'autres choses à nous dire. Dormir, ou essayer de dormir, quand on est en situation de rue, ça soulève des enjeux sécuritaires, des questions sécuritaires, ça soulève des enjeux psychologiques. Tu parlais notamment de l'injection de produits, éventuellement. Légaux, ça peut être l'alcool ou des médicaments qu'on peut trouver qui sont légaux, même si on peut en trouver des usages détournés, ou bien de produits illégaux qui peuvent permettre, dans certaines situations, de réussir à dormir. Dormir devient une épreuve. Hein, je parle sous ton contrôle, Camille, encore une fois. Non, mais oui, en fait, c'est une hantise de dormir. Limite, dormir, ça fait peur. Dormir, c'est fermer les yeux, en fait. Ouais. C'est simplement ça, c'est fermer les yeux. Du coup, ça devient... ça fait peur, en fait. Et moi, j'identifie deux peurs, tu vas me dire si t'es d'accord. Il y a la peur de l'agression. Des gens qui peuvent... Alors, ça peut être d'autres semblables. Surtout quand t'es une femme. Encore plus quand t'es une femme, t'as raison. Mais en tant qu'homme aussi, ils sont exposés. Oui. En tant que femme. Donc l'agression venant de l'extérieur. Alors il existe des gens de la rue qui s'agressent entre eux ou qui se volent parfois pour pas grand chose. En tout cas, ça nous paraît pas grand chose à nous, mais ça peut être quand même quelque chose dans la survie au quotidien. Il y a aussi la peur plus psychologique. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, des centaines en réalité, depuis une dizaine d'années en travaillant sur le sujet. Il y a la peur aussi des cauchemars, il y a la peur de se retrouver face à soi-même, la peur de grand berger, et bien souvent on me disait c'est pas seulement la peur de l'agression ou du vol, c'est aussi la peur d'être face à soi-même, face à son passé, face à des épreuves dont on est souvent pas trop responsable d'ailleurs, et quand bien même on serait responsable, il faut quand même les affronter dans ces moments où on se retrouve effectivement seul avec soi-même, quand bien même on dort pas toujours seul dans les parkings souterrains, dans les cages d'escalier. Fermer les yeux, tu l'as bien dit, c'est lâcher prise. Se retrouver avec soi-même. C'est lâcher prise. Même si on a un chien qui nous protège, même si on a des camarades autour qui peuvent nous protéger, il y a encore cette difficulté à se retrouver intérieurement. Alors, avec soi-même. Merci Thibaut. Ce qui est intéressant, c'est que toi Camille, tu dis bah moi j'ai peur de dormir, alors que beaucoup de gens qui s'intéressent au sommeil, justement, ils n'arrivent pas à dormir. Et c'est là qu'on voit vraiment la contradiction, c'est-à-dire que quand on a un domicile, le sommeil n'est pas un moment de danger. Alors, sauf vraiment cas très particulier. C'est plutôt un moment où on a peur de pas bien dormir, parce qu'on fait des insomnies, etc. Et ce qui est intéressant dans ton témoignage, Camille, c'est que ce moment-là, qui est inévitable. On peut s'arrêter de manger pendant plusieurs jours. On peut, et d'ailleurs, Thibaut, tu me disais une autre fois, on arrive à trouver généralement de quoi manger en France parce qu'il y a des associations. C'est pas le problème principal. Mais en revanche, la question du sommeil, on voit non seulement on a peur, mais qu'elle oblige aussi quelque part à une stratégie. C'est où est-ce que je vais dormir? Quelque part, quand on se réveille le matin, est-ce que la question, c'est pas de savoir où est-ce que je vais dormir le soir? Parce que dans ton témoignage, Camille, on a l'impression que c'est une espèce de petit fil d'Ariane comme ça, constant, de se dire, où est-ce que je vais dormir ce soir? C'est pas où, c'est où, quand et comment. Ouais. Où, quand et comment, en fait. C'est pas forcément où, mais c'est où, quand et comment. Est-ce que je dors la nuit ou est-ce que je dors au petit matin? Est-ce que je vais dormir l'après-midi? Parce que si je dors l'après-midi, il y en a plein qui sont occupés. Donc du coup, ils sont occupés, ils ne viendront pas m'embêter. Si je dors la nuit, c'est dangereux. Qu'on soit un homme ou une femme, hein, de toute façon, la rue en elle-même, elle est dangereuse. Mais ouais, c'est où, quand et comment. C'est ça, surtout. Où, quand, comment. Ça me comment fait penser. Comment. Bah oui, mais comment je vais dormir? Je vais dormir à moitié? Est-ce que je vais vraiment m'endormir? La plupart du temps, enfin, quand on est à la rue, on s'endort pas. On s'endort pas. Tiens, allez, c'est l'heure, il est 8 heures, on va dormir. On s'endort parce qu'on est épuisé, on n'en peut plus. Et que... Enfin, moi, je sais que c'était devenu... en fait, je me défonçais pour dormir. Parce que j'avais besoin d'occulter mes journées. Parce que j'avais pas envie de penser la nuit. J'ai pas, vous parliez des cauchemars, de tout ça. Mais voilà, en fait, la nuit, on pense, on réfléchit. Et ben non, j'ai pas envie, en fait. Donc, du coup, c'était, voilà, comme je dis, une bonne dose d'alcool, une bonne dose de défonce. On s'endort par épuisement. Voilà, en fait, à la rue, on s'endort d'épuisement. On s'endort pas parce qu'on a besoin de dormir, on s'endort d'épuisement. Parce que c'est comme ça. Et que notre corps, en fait, réclame à dormir, mais nous, on veut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais je vois bien, mais ça, voilà, tout à fait. C'est que ça montre aussi comment le sommeil dialogue, en fait, avec notre vie de tous les jours. C'est pas simplement à un moment donné où, paf, tout s'arrête, on appuie sur le bouton off. En vérité, la vie, la société aussi traverse la question du sommeil de chacun d'entre nous. Parce qu'on a l'impression que c'est un moment solitaire, ce qui nous appartient, où on a... on s'endort sur notre lit, on prend notre oreiller, on a nos petits rites, etc., notre couette. Et en réalité, on voit comment la société, même ce moment le plus intime, elle le traverse, elle l'écrit, quoi. En fait, pour la plupart des gens, le sommeil, c'est de l'acquis. C'est un lit, c'est un oreiller, un pyjama, une petite couette. Mais c'est pas pour tout le monde, en fait. C'est ça, c'est pour la plupart des gens qu'on... Un appartement, un endroit où dormir, c'est de l'acquis, hein, le sommeil. En fait, ils arrivent, ils se disent, tiens, j'ai un lit, mon petit oreiller, mon petit pyjama, hop, j'enlève mes chaussons, je rentre sous la couette. Mais quand on est dehors, on n'a pas ça, en fait. Si on a un sac de couchage, c'est magnifique. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est bête, mais je me souviens, moi, d'une anecdote. Quand j'ai eu mon fils, je suis retournée chez mes parents. J'ai mis mes patins. Et genre, j'étais choquée. Je dis, ouais, j'ai des patins. C'est bête, mais des patins, c'est ce qu'on met avant d'aller au lit. Et mon père s'est moqué de moi, il dit, c'est des patins. Mais je dis, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas mis un patin chaud à mes pieds. Mmh. Et voilà, en fait, c'est des, pour, comme nous, on dit, pour les gens lambda. Pour les gens qui connaissent pas la rue, c'est des choses, c'est de l'acquis, en fait. Le sommeil, c'est de l'acquis. Et, mais pas pour tout le monde, en fait. D'accord. Symboliquement, les patins, là, comme parfois simplement le trousseau de clés, des éléments très naturels pour nous, peuvent devenir symboliquement révolutionnaires dans une expérience de vie. Et ça, effectivement, on l'ignore. Parce que ce que tu disais aussi, Camille, tout à l'heure, me fait penser au fait que quand on est en situation de rue, on dort à des horaires particuliers. Parfois, tu l'as dit, parfois on dort en journée pour se protéger parce que la nuit on est plus exposé. Parfois, j'ai pu connaître Jeff, c'est un surnom aussi, mais tu vois peut-être de qui je parle, je sais que tu l'as connu. Jeff dormait dans un parking souterrain quand j'enquêtais en immersion, on est en 2017-2018 là, et il avait finalement des horaires très précis. À 22h maxi, il s'endormait, ce qui peut nous paraître tôt, hein, à nous gens lambda, hein, comme tu dis. Tout à fait. Mais la logique, elle était aussi qu'il se faisait virer de son parking souterrain à 6h du mat, quand les vigiles du parking lui intimaient de partir, plus ou moins gentiment. Donc il trouvait ses 8 heures de sommeil, si tant est qu'il dormait réellement, comme on le dit, hein, on dort sur une oreille, c'est du demi-sommeil. D'ailleurs, Jeff, il avait toujours un couteau à portée de main. Mais par contre, très, très régulier, c'est très, très routinisé. Ça, c'était une découverte pour moi. Et j'ai même été jusqu'à observer, mais tu vas me dire, Camille, si ça fait écho à des choses que tu as vécues ou que tu as observées chez des camarades de la rue, qu'il y a des rituels aussi. Quand même on n'a pas de logement ou de chambre tel que nous on peut l'entendre, genre lambda, on va reprendre ton expression, hein. On va retrouver quand même, je reprends l'exemple de Jeff, mais je l'ai vu auprès de plein d'autres personnes, des rituels de progressivement d'appropriation déjà du lieu, une cage d'escalier au moins à 3 d'un parking souterrain, mais Jeff, il passait la balayette, il avait son petit endroit pour faire sécher ses chaussettes, c'est pas évident, il avait ses petites planques, son endroit pour faire ses besoins, bref, et puis un certain nombre de rituels avant de se coucher ou en se couchant, il regardait systématiquement un film sur son téléphone portable, ce qui relève quand même, tout ça c'est des ingrédients du chez-soi. Alors évidemment ils sont pas chez eux dans ces moments-là, mais on essaye toujours. C'est anthropologique de reconstituer du chez-soi bien rudimentaire, bricolé, mais histoire de retrouver des éléments de sécurisation, ne serait-ce que psychologique, et qui renvoie à facilitation à s'endormir aussi. D'accord. De quoi on rêve quand on est à la rue ? C'est pas une question facile. On rêve pas. On rêve pas. On rêve pas quand on est à la rue. Si, la journée, on se dit, allez, c'est une bonne journée, je vais faire une bonne manche. Je vais manger un petit poulet. Wow, terrible. Voilà, la journée, on va rêver. Mais la nuit, on ressasse, en fait. On ressasse. Notre cerveau, il ne s'arrête pas, en fait. On dort, mais notre cerveau, il ne s'arrête pas. C'est ça. C'est pour ça que je dis on dort à moitié, parce que notre cerveau, il continue à réfléchir et à ressasser notre journée et la journée du lendemain. Bon, je vais me lever. Comment je vais me laver? Comment je vais manger? Est-ce que je vais faire assez d'argent pour manger? Est-ce que je vais pouvoir chauffer? Est-ce que je vais manger? Ouah, wow, puis le soir. Et puis, avec les années, en fait, avec les années de rue, j'ai déjà un passif, mais je disais, la défonce aide à dormir parce qu'on a besoin d'occulter notre journée, en fait. On a tellement galéré à aller se laver notre linge. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes dehors, pour laver votre linge, faut prendre un rendez-vous. Faut trouver la machine, faut trouver le sèche-linge. En fait, on court après ça tout le temps. Et du coup, quand on arrive le soir, on est épuisé et on a envie d'occulter tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je dis, pour bien dormir, on a besoin d'une bonne dose d'alcool, d'une bonne dose de défonce. Chacun a son petit truc. Après, il y en a, ils boivent pas, ils se défoncent pas, mais ils ont d'autres rituels. Moi, je connaissais quelqu'un, il faisait du yoga. Du yoga tous les soirs avant de dormir. Il fallait qu'il fasse son yoga. Ça lui permettait de décharger sa journée. Moi, j'avais une autre manière. Enfin voilà, on a besoin de décharger notre journée et d'occulter, en fait. Et c'est ça, on a besoin d'occulter notre journée et d'occulter celle du lendemain parce qu'on sait que celle du lendemain, ça va être la même, en fait. Et Et puis voilà, qu'on va pas avoir d'endroit où on va dormir dans un lit. Enfin, c'est bête, mais... Enfin, avant d'avoir mon fils, j'avais pas dormi depuis... il est 2016, et ça faisait... Dans les squats, près de 10 ans, j'avais pas dormi dans un lit. Mais quand je dis un lit, un vrai lit avec des pieds. Oui. Hein, parce qu'après, un matelas. Matelas par terre dans un squat, mais c'est le top du summum. Moi, pour dire, j'ai eu un endroit où j'avais un matelas, du chauffage, une télé. C'est un squat. Bourré d'amiante. Mais on a troqué. On a remis l'électricité à notre nom. Donc, du coup, le propriétaire qui avait la maison abandonnée nous a laissé. Mais ça, c'est le top, mais c'est une personne sur 100 à la rue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, moi, j'ai eu de la chance. C'est le thème que vous écrivez. Ah ouais, non, mais complet. Vous vous rendez pas compte de pouvoir avoir un évier, de choper des barriques d'eau de 5 litres, de pouvoir laver sa vaisselle. Vous allez dans le lit, vous savez que vous avez... moi, j'avais à la porte un... Vous voyez les cadenas qu'on utilise pour les scooters? Eh ben nous, c'était ça. Pour tenir la porte, et on savait qu'on était tranquillou. Personne ne pouvait rentrer. Donc on pouvait dormir. Mais ça, c'est l'hôtel pour quelqu'un qui a la rue. Voilà, ça, c'est la chambre comme sanctuaire aussi. Et ça, c'est quelque chose dans la réflexion que j'ai menée sur le sommeil qui est intéressante. Par exemple, quand on visite, ou on se fait visiter un appartement ou une maison, on rentre et puis on dit bah voilà, là, c'est le vestibule. Là, c'est la cuisine. Les gens, souvent, sont fiers de leur cuisine. Là, c'est le salon. Là, c'est le jardin. On monte le jardin. Mais on ne va pas à l'étage. On ne va pas dans les chambres. La chambre, c'est vraiment un domaine sociologique. Et il y a des sociologues qui se sont intéressés au sujet où on ne va pas. C'est le domaine de l'individu et ou du couple, de la sexualité à la limite. Mais c'est vraiment un domaine vraiment à part. Et c'est là où c'est intéressant quand on vous entend. Parce que quelque part, ça fait partie aussi de ces stratégies de recréer comme ça ce petit cocon, ce petit sanctuaire. Oui, parce qu'on a beau être à la rue, on a besoin en fait de ça. Même si on n'a pas quatre murs, un toit au-dessus de la tête, on a besoin de se recréer un petit chez-soi en fait. C'est ça, un petit chez-soi. Tu parlais de Jeff avec ses vidéos qui balayait. Moi, je connais quelqu'un qui lavait il prenait une place de parking, il avait les deux à côté pour être sûr que ça soit aseptisé, d'avoir un endroit. C'était son chez-lui, c'est mes places. C'est pour la nuit, c'est mes places. Vous voyez ce que je veux dire, c'est en fait le soir quand on arrive, peu importe l'endroit, peu importe où, qu'on connaisse, qu'on connaisse pas, on essaye de se recréer un chez soi. Voilà, tout bête, c'est petit, c'est pas grand chose, mais c'est chez nous pendant la nuit, c'est chez nous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est l'appartenance, comme un lit, ça nous appartient. Moi je vois pas le voisin venir dormir dans mon lit. Donc voilà, soir, je recrée mon chez-moi. Thibaut, peut-être une... Oui, je pense que tu as employé, Nicolas, à l'instant, le terme de stratégie. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. Au sens où une stratégie, pour recréer les conditions très rudimentaires minimum du chez-soi, relève d'un choix, d'une rationalisation en amont de réflexion et donc d'une volonté. Et moi, il me semble que ça relève plutôt d'une nécessité anthropologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas habiter le monde. On peut pas ne pas recréer de toute façon du chez soi, là où on se trouve, là dans des situations particulièrement extrêmes, nécessairement, inévitablement, en tant que nous sommes des animaux spatiaux, on dit souvent que nous sommes des animaux sociaux, mais nous sommes aussi des animaux spatiaux, et anthropologiquement, c'est-à-dire c'est le propre de l'être humain, inévitablement, on va recréer des conditions d'appropriation et de, j'ai beaucoup aimé ton expression, de sanctuaire de l'intimité. Alors là, c'est des sanctuaires très ouverts aux 80, hein, attention, mais on essaye nécessairement, inévitablement, hors stratégie en fait, presque, non pas inconsciemment au sens de Freud, renvoyant au surmoi et aux éléments de la psychologie inconsciente, mais en tout cas, non consciemment, c'est-à-dire qu'on le fait spontanément, naturellement. C'est une nécessité anthropologique. Ouais, d'ailleurs, ça dit quelque chose de... Effectivement, notre anthropologie, le sommeil dit quelque chose de nos vies, de nos vies chacun d'entre nous, mais de nos vies aussi d'êtres sociaux, d'être membre d'une société. J'avais une question aussi sur le sommeil collectif. Est-ce que quand on est dans votre situation, vous disiez « je suis une femme », est-ce que c'est plus sécurisant de dormir seule Ou aller dans des, parce que dans des dispositifs d'hébergement collectif. J'ai eu cette conversation cet après-midi. Je l'ai dit, une femme va préférer être avec un homme qui lui tape sur la gueule, mais qui va lui la défendre des autres, plutôt que d'être seule. Voilà. Une femme, si elle a... Alors, la rue est faite pour personne. La rue est faite pour personne. Mais certains ont le mental, certains n'ont pas. Donc, il y a des femmes qui vont toutes seules, « me touche pas, je te tue ». Mais il y en a d'autres qui vont préférer se mettre avec quelqu'un qui leur tape sur la gueule, mais qui va la défendre des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, oui, il me tape sur la gueule, mais au moins les autres ne me violent pas. Les autres ne me touchent pas. Les autres ne pénètrent pas dans mon cercle. Moi, je parle souvent de mon cercle intimiste. C'est un mètre autour de moi, tu ne pénètres pas. Tu ne viens pas. Et la nuit, c'est encore pire. Non. Non, un bruit. Quand vous êtes dehors, la nuit, un bruit vous réveille. Mmh. Un bruit. Moi, je compare souvent aux parents parce que je suis maman. Mmh. Et je compare souvent les deux en disant, mon fils, dès qu'il respire bizarre, tac, je me réveille. Eh ben, dehors, c'est pareil. Vous dormez, vous entendez un bruit, tac, vous vous réveillez. C'est quoi? C'est quoi? C'est où? C'est comment? C'est qui? Ça, c'est intéressant aussi parce que... C'est l'instinct. Ouais. C'est-à-dire que même quand on dort, souvent, en fait, il y a... Dans nos nuits, il y a des bruits parce qu'on habite à la campagne, etc. Ou parce qu'il y a une porte qui claque chez le voisin. Alors, de temps en temps, on se réveille, mais en fait, la plupart du temps, on ne se réveille pas parce que on sait qu'on en fait, on est en sécurité. Alors, il y a le cas particulier de la moto qui va vraiment très, très, très, très fort. Mais ça peut d'ailleurs faire quasiment des bruits d'avion. Ça, c'est propre aux grandes villes notamment. Mais en fait, la plupart du temps, il y a des bruits un petit peu en permanence dans nos vies. Mais c'est pas grave, on fait avec parce qu'on s'est endormi. Sécurisé. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même ce moment biologique où justement, normalement, on doit lâcher prise et perdre conscience dans le sens où on ne réfléchit plus, bah là, même en fait, l'organisme est obligé de se brancher, d'être vigilant sur la question. Donc ça dit aussi quelque chose de cette situation. Oui, en fait, moi je pense que quand on a quatre murs autour de nous, on se familiarise avec les bruits habituels qui peuvent nous déranger dans le sommeil, comme, moi je viens de la campagne, l'église, les vaches, les cochons, les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les jeunes en mobylette, allez, les 22h, gna gna gna gna. On se familiarise avec ces bruits et du coup on ne les entend plus. Mais quand vous êtes dehors, je le dis et je le redirai, et quand vous êtes dehors, parents ou quoi que ce soit, quand votre cerveau est à moitié en alerte, vous ne vous familiarisez avec aucun bruit. Un bruit, c'est un bruit. Je me lève, j'ouvre les yeux, il est où? Il vient d'où le bruit? Moi, je me souviens, je dormais avec un couteau. Et quand j'ai eu mon fils, je suis retournée chez mes parents pendant 6 mois. Mon père m'a emmené me recoudre le crâne, je crois, 3 ou 4 fois. Parce que même chez mes parents, où j'étais sécurisée, j'étais chez mes parents, avec 4 murs, 1 toit. Et ben, je me suis plantée le couteau et on a dû m'emmener aux urgences me faire recoudre parce que. Parce que je... Non, j'étais toujours en alerte, parce que c'est mon vécu, et je pense que je serai toujours en alerte, en fait. Mais maintenant, comment ça va, vous arrivez à dormir? Tu arrives à dormir? Je dors. C'est compliqué, parce que je suis maman, donc déjà, je suis maman. Tout parent qui se respecte dort qu'à moitié. Mais non, je dormirai jamais complètement. Jamais. C'est pas possible. En fait... vous demandiez tout à l'heure si on rêvait, mais non, en fait, j'ai pas recommencé à rêver, je rêverai jamais. Je rêve la journée, je rêve d'une maison, je rêve d'être bien, je rêve que mon fils fasse de grandes études, nanana. Mais la nuit, je rêve pas, la nuit, je ressasse, et je ressasse tout le temps, et pourtant, je suis sortie de la rue, mon fils a 9 ans. Donc, ça fait presque 10 ans que je suis sortie de la rue. Et je ressasse encore des histoires qui s'est passé parce que on dort pas, en fait. On dort pas, donc on imprègne ce qui... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant aussi. Ça montre que le sommeil est... Et vivant au sein de la société, mais aussi chez les individus, les conséquences de nos vies, les troubles de nos vies se répercutent. Je donne ici un exemple qui est Marie Dariussec, qui est un écrivain assez célèbre, qui a eu, le prix Goncourt dans les années 90, et qui a écrit un livre, Pas dormir, et qui parle du crapaud de l'insomnie. Et elle disait, Moi, j'ai toujours très bien dormi. Et puis un jour, elle a eu un drame terrible. Elle a perdu un bébé, je crois, de l'abord subit du nourrisson. Et puis elle a 3 enfants. Et depuis, je crois qu'elle dormait quand le bébé est mort. Et depuis, en fait, elle ne dort plus. Elle racontait d'ailleurs, parce qu'elle était venue au Livre sur la Place à Nancy il y a 2 ou 3 ans, et je lui ai parlé. Et elle me disait, bah là, il est 16h, 16h30, il va falloir que j'aille essayer de m'allonger pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, parce que je suis fatigué. Et dans le même temps, elle ne dort pas. Donc ça montre aussi ça, comme ça. C'est-à-dire que ce moment, un peu comme des personnes, c'est l'idée qui vient à l'esprit, qui ont été anorexiques et qui en sont sorties, mais l'alimentation demeure un sujet de préoccupation. Alors pas tout le temps. Certaines personnes sont passées un petit peu à autre chose et il n'y a pas de conséquences. Mais bien souvent, ça reste comme ça, comme un écho dans nos vies de tous les jours. J'avais aussi une question. C'est bien le mot écho. Écho, c'est pas mal, c'est un joli mot. C'est un beau mot. L'écho, ouais, l'écho. 10 ans que je suis sortie de la rue et j'ai l'impression que c'est encore. Il y a des échos. Ouais, tu vois, c'est un... ils sont fantomatiques. Ouais, sont, voilà, c'est plus là. Ils sont plus là, mais toujours là. C'est plus là. Après, moi, j'ai encore une vie un petit peu atypique. Enfin, voilà, je le cache pas. Moi, je fais encore la manche, donc j'ai encore un pied dans la rue. Mais du coup, ça me permet de pouvoir dire aux autres, eh, on peut changer. Regardez, moi, je venais du plus bas de la terre, et j'ai un appart, j'ai mon fils, j'ai la gare. Mais un écho, ouais, c'est un bon mot, ça. Écho, on a vraiment l'impression que c'est juste là, et que ça continue à nous parler derrière, voilà. J'ai vraiment cette impression-là. Alors, et peut-être là aussi, Thibaut pourra rebondir sur votre expérience, parce qu'il y a des dispositifs, c'est un terme un petit peu technocratique, pour aider les gens qui sont à la rue. Il y a des associations. S'il fallait donner une ou deux mesures liées au sommeil, qu'est-ce que vous diriez pour aider les gens? Alors, je dis n'importe quoi, mais alors vraiment n'importe quoi, les choses qui me viennent à l'esprit. Avoir des matelas, parce qu'on dit souvent des vêtements, mais pourquoi pas, je ne sais pas. Des sacs de couchage, comment on peut améliorer un peu les choses? On ne peut pas. Alors, s'il y a tellement de gens qui n'ont plus d'appartement, qui vivent à la rue, qu'on ne peut pas héberger tout le monde. Donc, en fait, c'est vrai, je vois ça comme ça, c'est un... Un relayage, c'est on t'a le droit de nuit, puis après on va se suivre. Il y a un turnover. Et voilà, un turnover. Et du coup, on peut pas. En fait, il n'y aura rien qui améliorera parce que les gens seront toujours à la rue. En fait, même s'ils dorment de nuit, eh ben, ils retournent à la rue et tu auras beau mettre un matelas, un oreiller, du chauffage, une télé, tout ce que vous voulez. Vraiment, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, dans 48 heures, ils seront dehors. Donc, ils auront toujours cet écho. Oui. J'adore ce mot, écho. Mais du coup, oui, c'est sûr qu'un bon matelas, ça fait du bien, un bon oreiller, pouvoir soulager son dos. Parce qu'il faut savoir que les gens qui dorment à la rue, moi je sais que ça fait 10 ans, mais je sais que la rue a beaucoup changé maintenant. Il y a des gens ont ouvert un peu les yeux sur les gens qui vivaient à la rue, c'est vrai, par rapport à il y a 10 ans. Et du coup, il y en a beaucoup maintenant à la rue qui ont des matelas. Mais du coup, on ne peut pas trimballer son matelas partout. Donc, c'est vraiment un endroit fixe. Et si l'endroit prend l'eau, prend le feu, se fait voler ou quoi, il n'y a plus rien. Mais moi, à l'époque, on avait notre sac à dos. Dedans, s'il y avait un sac de couchage, c'était magnifique. Genre un sac de couchage, vous imaginez pas. C'était magnifique. On avait chaud la nuit. Mais c'est tout. Un sac de couchage. Ce qui servait d'oreiller, c'était les baskets. Les chaussures, on les mettait dans le pantalon. Les sacs à dos. Voilà, après, sac c'est, à dos. C'est la débrouille, la fameuse débrouille. Je rigole, c'est bête, mais c'est parce que oui, on essaye de trouver le mieux. Moi, j'aimais bien, j'avais mes baskets. Je mettais mon pull par-dessus, ça faisait un peu plus mou. Enfin, voilà, on essaye de se reconstruire un peu. Un lit, en fait. C'est bête, mais c'est tellement bête ce que je dis. Le confort rudimentaire vaut mieux que pas de confort du tout. Voilà, c'est ça. Même si c'est pas super, c'est toujours mieux que rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ouais. Non, mais c'est horrible ce que je dis. Même si c'est pas beaucoup, c'est mieux que rien. Mais non, normalement, dormir, ça devrait être donné à tout le monde, en fait. On peut remettre en contexte, justement, ce que tu disais, Camille, sur le fonctionnement aujourd'hui des politiques sociales de lutte contre le sans-abrisme et même contre l'exclusion du logement plus généralement. En 2001, il y a les premières enquêtes de l'INSEE et de l'INED qui se montent, enquêtes statistiques pour dénombrer le nombre de personnes sans domicile. Je vous passe les subtilités méthodologiques, mais grosso modo, c'est quand même sérieux, hein, c'est l'INSEE. On arrive à 86 000 personnes dénombrées en 2001. En 2012, on reproduit l'enquête sans domicile. Alors, je dis on, c'est une aide. Hein. 143 000, quasiment x2, hein, plus 100%. Aujourd'hui, 12-13 ans après, on serait, estimation, à 350 000, grosso modo. Encore, grosso modo, tous les 10 ans, on double le nombre de personnes sans domicile. Il faut savoir que la grande majorité des personnes sans domicile sont, en fait, dans des centres d'hébergement. 80%, grosso modo, sont dans des centres d'hébergement. Que ce soit des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, sont considérés comme sans domicile, ou les CHRS que tu as connus, Camille, CHRS ou hébergement d'urgence, etc. Donc on n'a que 20% sur, grosso modo, 350 000 en France qui sont proprement sans abri, au sens où ils dorment dans les conditions extrêmes dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que, je vais arriver à ta question, Nicolas, que dans les centres d'hébergement, donc effectivement, on a un lit, un plumard, généralement, il y a un petit bureau, une chaise, pas super bien équipée non plus, hein, pas de cuisine, pas de frigo dans les chambres, où ça dépend après, hein, c'est très stratifié, c'est très hiérarchisé, le circuit de l'hébergement, mais grosso modo, c'est des durées limites, et des conditions de confort qui restent rudimentaires, avec de l'insécurité, parce qu'il y a de la promiscuité avec les autres personnes autour, qu'on n'a pas choisi, des règlements intérieurs qui font que vous et moi, Jean Lambda, on n'aurait pas envie d'aller dans un centre d'hébergement. Hein. Ouais. T'as pas le droit de ramener des gens de l'extérieur, t'as pas le droit de boire une bière, t'as pas le droit, si tu veux, d'absenter un jour ou deux, il faut prévenir, et sinon tu perds ta place. Enfin, c'est la, d'ailleurs, nombreux gens de la rue en parlent comme de la prison. Parfois, ils en ont eu une expérience, mais ils comparent ça à cette comparaison. En fait, oui, j'allais dire, en fait, on est comme Oujtar. Alors, attention. Oujtar, c'est la prison dans le monde. Désolé. Ouais, non, mais c'est bien, on connaissait les zonzons. Oujtar, c'est la prison. Alors, bien sûr qu'Oujtar, c'est compliqué. Ils sont enfermés 22 heures sur 24. Ils n'ont droit qu'à 2 heures de promenade. Et encore, quand ils y ont droit. Mais c'est vrai que quand vous arrivez le soir, donc... Je sais que nous, là où on habite, on a le 41, on a la maison du vélo, blablabla. Mais alors ça va en grade. C'est-à-dire, vous êtes à la maison du vélo, c'est un lit de camp militaire. Mm-hmm. Voilà, avec, pour séparer les gens, les trucs des infirmiers, là. Ça, mm-hmm. Vous voyez, comme aux urgences, en fait. Des lits dortoirs, en fait. Voilà, des lits dortoirs. Des lits picots, point. Voilà, des lits picots dans des dortoirs. Tu veux pas te faire voler, tu restes avec tes affaires, tu gardes tes affaires, tu dors. Parce qu'il faut savoir aussi, dans des endroits comme ça, même si vous dormez un tout petit peu mieux, vous ne dormez pas mieux, en fait. Parce que votre carte d'identité, votre permis, vos sous, votre traitement, les trois quarts des gens qui sont dehors ont une dépendance. Je ne dis pas tous, mais les trois quarts des gens. Parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin d'occulter, comme je disais tout à l'heure. Mais du coup, vous carrez tout là où vous pouvez. C'est-à-dire les sans-abri particulièrement. Voilà, hein. c'est ça. Il ne faut pas mélanger voilà. sans domicile et sans-abri. Voilà, voilà. Mais du coup, même si vous... Vous dormez, vous protégez quand même ce que vous avez. Vous mettez votre argent, votre carte d'identité, votre traitement de substitution, légal, pas légal, on s'en fout, dans votre caleçon. Moi, j'ai dormi pendant des mois avec ma méthadone dans mes culottes, par exemple. Non, mais c'est bête à dire, c'est horrible. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Mon permis caché dans mes fesses, enfin, derrière. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment... Quand vous arrivez, après, on vous dit, bon, ça fait quelques temps que vous êtes là. Bon, vous avez le droit au 41. Au 41, vous avez le droit à une chambre. Pour une nuit. Une table. C'est l'hébergement de mise à l'abri. Hein, voilà. 41 pour nous. Pour une nuit, une table. Gentil. T'as le droit à un lit. C'est bien. Ouais. Une couverture. Et peut-être un oreiller. Et à 8h30 du mat, au revoir madame, au revoir monsieur. Ça. Vous avez des vigiles qui sont là la nuit, qui surveillent, qui font pour qu'il n'y ait pas d'histoire, pas de problème. Et le matin, on vous dit... Tout le monde debout, sans café, sans douche, sans brossage de dents, sans rien. C'est-à-dire que vous vous levez, vous vous habillez, vous partez avec vos fringues froides, votre sac à dos, et vous arrivez dehors, maintenant, faut se laver. Faut se laver les dents. Vous voyez, vous imaginez, vous levez le matin, c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai qu'il faut faire comprendre ça aux gens. Mais se lever le matin sans se laver les dents, pour moi, c'était pas envisageable à l'époque. Et maintenant, c'est devenu quotidien. On voit bien à quel point cette question du sommeil, de trouver le sommeil aussi, ouvre à tout un tas. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, c'est-à-dire se brosser les dents, tout le minimum d'hygiène. Faire ses besoins. Comment faire quand on est, quand on a des médicaments, chacun d'entre nous, on les pose sur la table. Là, il faut penser à les planquer, etc., faire ses besoins. Et on voit bien comment cette évidence pour la plupart d'entre nous, En fait, bah parce que quand on est dans cette situation-là, devient déplie, décline, déploie, allume, je ne sais pas comment dire, tout un tas de difficultés. Mais c'est exactement ça. Donc c'est le sommeil comme révélateur, en fait, voilà, de nos contradictions, quelque part, de notre société. C'est exactement ça. C'est pas... Enfin, le sommeil, dormir, amène à... comment se protéger, comment cacher, comment... Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. En fait, pour les gens lambda, ils vont au lit, ils se mouchent un coup. Allez, j'ai mes cachets pour demain, ma salle de bain, elle est là, là, là. Et c'est exactement ça, c'est tout ce qui en découle, en fait, derrière. Et puis pareil, quelqu'un qui dort bien, il se lève le matin, il est bien. Quelqu'un qui est à la rue, il dort pas. Donc il se lève le matin, il est crevé, déjà, d'automatisme. C'est... Ouais, je me lève, bon, allez. Un café ? Allez, un café. Bah non, une bière. On va se mettre la tête tout de suite parce que la journée, elle va être rincée. Je suis crevée, j'en peux déjà plus dès le matin. Et du coup, en fait, à force de mal dormir, c'est ça que je veux dire, à force de mal dormir, en fait, on en vient à se transformer nous-mêmes en quelqu'un qu'on n'est pas. Okay. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, très bien. Peut-être, Thibaut, on va se diriger vers la conclusion. Bah justement, je voulais reboucler un peu avec ton mot introductif, parce que là, on est précisément en train de parler du sommeil comme d'un objet finalement contre toute attente politique, et de souligner des inégalités sociales liées au sommeil. Et merci Camille d'ouvrir cette perspective, parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'expérience au présent, de ce que c'est que dormir, etc., mais il faut en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? C'est une fatigue accumulée. Fatigue physique, fatigue psychologique, exposition à du stress, à des formes d'anxiété, exposition aussi ou utilisation fonctionnelle du moins de certains produits qui il peut y avoir des consommations qui préexistent, mais là le contexte quotidien et notamment la fatigue ou la nécessité de réussir à s'endormir viennent accentuer voire créer des dépendances préexistantes et de fait quand on fait la manche, chose que j'ai fait, enfin, observer, mais j'ai jamais eu besoin de faire mes pièces, moi. Mais quand j'enquêtais, je suis allé en situation. Évidemment, Camille, c'est ça beaucoup mieux. Quand on fait la manche, on est exposé à tout un tas d'agressions symboliques, parfois pas symboliques, hein, des crachats, donc ça s'expose matériellement, quoi. À des gens, par exemple, qui peuvent vous dire, oui, bah, bougez-vous les fesses pour aller trouver un travail. Mais ils savent pas dans quelles conditions dorment, et à quel point les gens sont fatigués. Et bougez-vous les fesses, oui, quand on dort dans le sanctuaire que tu évoquais tout à l'heure, on peut se bouger les fesses plus facilement. C'est plus qu'une question de mérite. On est là dans une question de survie biologique et psychologique, enfin physique et psychologique, donc biologique. Pour le coup, on retombe aussi sur une dimension qui devient politique quand elle empêche d'être sur un pied d'égalité finalement avec monsieur et madame tout le monde. Merci, c'est un joli mot de la fin. Merci Camille et merci Thibaut. On le voit, quand on parle de sommeil, la plupart du temps, on pense à un lit, des draps, un réveil. Mais pour des milliers de personnes, c'est la rue, c'est un risque. Et ce n'est pas ce moment de lâcher prise, c'est un moment de danger. On voit qu'une nouvelle fois, le sommeil dit quelque chose de notre société. On dit peut-être aussi un peu la vérité. Je vous remercie. Merci, merci à vous. Merci Camille. Merci.